je rentre le soir, là c'est de mes recherches. Elle me regarde sans un mot, je souris un narquois aux lèvres. C'est mon instant de bonheur. La journée des substances prohibées. J'aimerais mieux d'aller dehors, de réagir un peu. Il y a des gens compétents qui peuvent t'aider. Je lui dis, excuse-moi chérie, je peux pas les réveiller. C'est mes instants de bonheur, moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé. C'est mes instants de bonheur, moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. C'est nos instants de bonheur, nos moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Zoom the sound. Aujourd'hui les temps ont changé, c'est maintenant qu'il faut s'aimer.